Bien-aimés, ce soir, le Seigneur Jésus, sous nos yeux, se pose à lui-même une question cruciale, une question absolument cruciale pour le monde entier, une question qui, je pense, a dû glacer son sang, a dû lui faire monter les larmes aux yeux. Et en se posant à lui-même cette question, il nous la pose à lui, puisqu'il la pose aussi à ses disciples. C'est comme un cri d'appel, comme une supplication qu'il nous lance. Vous l'avez entendu, cette question. Et comme moi, vous avez compris, vous avez senti du moins la gravité. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, puisqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, frères et sœurs, pourquoi est-ce qu'elle est si grave? Pourquoi est-ce qu'elle est si solennelle, cette question? Eh bien, justement, parce que Jésus vient d'expliquer à ses disciples que c'est la foi, et seulement la foi, qui permet à Dieu d'agir dans nos vies, et donc d'agir dans le monde. Et donc, c'est par la foi, et la foi seule, que Jésus peut sauver les âmes. Vous comprenez? C'est par la foi et la foi seule que Dieu peut agir dans notre monde et donc sauver les âmes. Tu ne comprends pas à quel point j'ai besoin de toi, dit Jésus. Toi qui es là ici dans cette église, toi qui m'écoutes, qui es dans cette église pour écouter mon Saint-Évangile, Jésus te dit, j'ai besoin de ta confiance, j'en ai besoin. Vous avez entendu, hein, ça commence par ça. Il exhorte ses disciples sur la nécessité de prier sans jamais se décourager. Nécessaire. Il en a besoin. Il a besoin de ma confiance, il a besoin de mon abandon inconditionnel entre ses mains pour agir au milieu du monde et pour sauver tous ceux qui ne sont pas ici, qui s'égarent et qui l'aiment à la folie. Et si Jésus revient une fois de plus sur le sujet de la foi, c'est que la véritable foi, eh bien, il ne la trouve que très rarement dans le cœur des hommes. Alors, bien aimé, lorsque Jésus parle de foi, vous voyez, il ne veut pas parler d'un vague sentiment, quelque chose de fugace, de confiance. Vous savez, une petite confiance fugace, espoir passager que Dieu peut-être, éventuellement, s'il y pense, s'il a le temps, si le cœur lui en dit, s'il est dispo, qu'il peut-être se préoccuper de nous, qu'il peut-être se pencher vers nous, peut-être, et nous aider. Ça, c'est la foi d'un grand nombre, qui pense que Dieu est trop loin, qu'il ne s'occupe pas de nous, que si jamais il avait le temps, il pourrait peut-être s'occuper de nous. On ne parle pas ici de la foi comme... non plus comme d'une simple opinion, je crois à Dieu, je crois peut-être que Dieu existe, d'un avis personnel, mais on parle d'ici de la foi comme d'une vertu. Vous savez, la foi est une vertu théologale, on appelle ça dans les théologiens, ils disent la vertu théologale de la foi. Une vertu, c'est-à-dire une disposition stable de notre âme. C'est ça une vertu, disposition stable. Disposition stable de notre âme, ça veut dire que la foi est un peu comme lorsqu'on aménage un intérieur, vous voyez, on dispose les meubles de façon stable. On les dispose d'une certaine manière, pour ne pas les bouger tous les quatre matins, mais pour qu'ils demeurent là et qu'ainsi toute notre vie puisse s'organiser. Que nous puissions nous structurer tout autour et savoir où trouver les choses dont nous avons besoin à tout instant. Voyez-vous, il ne s'agit pas pour ce qui concerne la foi d'avoir une petite pensée de temps en temps, un peu vague d'ailleurs, d'aller trois ou quatre fois de temps en temps à l'église pour déposer son cierge, de lever les yeux au ciel quelques secondes et devant le silence de Dieu, de s'en aller tout doucement pendant que notre flamme elle aussi va s'éteindre. Voyez-vous, cette manière d'attendre une réponse immédiate de Dieu, sans accepter qu'une disposition stable de notre âme soit nécessaire, et que cette disposition stable prenne du temps à s'installer, eh bien, c'est le meilleur moyen de tout doucement perdre la foi, et sans même s'en apercevoir. Cette disposition stable de la foi nécessite du temps, des efforts, de la persévérance. Mais mon Père, moi je prie tous les jours, plusieurs fois par jour, et je vois bien que Dieu ne répond pas. Eh bien, c'est très bien, continue, justement. Justement, c'est au moment où tu te trouves dans l'épreuve et où Dieu semble le plus silencieux qu'en réalité ta foi se vérifie. C'est là précisément que ta persévérance entre en action et qu'elle vérifie la qualité de ta foi. C'est exactement lorsque, envers et contre tout, nous continuons de croire en l'action de Dieu, en sa bonté, en son amour, nous continuons de penser, d'être certains que Dieu nous regarde, qu'il nous voit, qu'il nous aime. Au milieu de l'épreuve, eh bien c'est à ce moment-là que s'enracine notre foi et qu'elle se fortifie. C'est lorsqu'il semble ne pas répondre que nous devons redoubler de confiance et d'abandon pour que la lumière se fasse en nous. Parce que c'est à ces moments-là que notre âme se meuble d'actes de foi de plus en plus profonds, de plus en plus stables, et que, sans que nous arrivions à le voir clairement en nous-mêmes, Dieu se met à agir dans notre vie. Abandonner la foi et la prière dans les épreuves, parce que Dieu ne répond pas tout de suite, c'est, frères et sœurs, une tentation. Une tentation qui va éprouver notre foi. Si nous y succombons, c'est que notre foi est encore trop faible. Et si nous lui résistons et que nous choisissons de continuer de croire et de prier malgré tout, c'est que notre foi est assez forte et qu'elle se fortifie encore. Et saint Paul nous le dit, nous le répète, Dieu ne permet jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Ce qui veut dire que toutes les épreuves et toutes les tentations contre la foi que nous avons suffisamment de force pour les surmonter. Nous n'avons pas d'excuse pour abandonner la foi et la prière. Dieu nous donne toujours suffisamment de force pour surmonter ces tentations. Et pour nous encourager et nous faire comprendre combien nous faisons bien de continuer de croire malgré tout, Jésus nous a raconté ce soir une de ces paraboles géniales dont il a le secret et qui imprime en quelques mots ce que je viens de vous dire. Alors essayons de graver cette histoire dans notre mémoire pour qu'elle vienne nous soutenir devant les tentations. Il nous parle d'un juge, athée, qui semble n'avoir aucun cœur, plein d'orgueil, et il se considère apparemment comme le maître de toutes choses. Et c'est parfois ainsi que certaines personnes imaginent Dieu lui-même. Un Dieu athée, un Dieu orgueilleux. Soit, Dieu, voyez, se prête au jeu de cette comparaison, cette caricature mensongère, pour nous montrer que même si cet homme devait représenter Dieu, nous devrions continuer de lui faire confiance. Une pauvre veuve, bien incapable de se protéger toute seule et manquant de tout, se présente à la porte de ce juge pour lui demander justice. Cette pauvre veuve, c'est évidemment vous et moi. Nous en avons tous des revendications, des injustices qui crient vengeance dans notre cœur. Nous avons tous des pardons impardonnables. Et comme nous sommes bien obligés de constater que nous ne maîtrisons pas grand-chose de notre destin, nous allons tambouriner à la porte du juge pour qu'il fasse lui-même justice. Et c'est très bien. Elle est belle, cette veuve, dans sa confiance éperdue dans ce juge. Elle ne bouge pas d'un pouce. Toutes les nuits, pendant des heures, la voilà qui tambourine à la porte, malgré le silence glaçant qui fait suite à chacune de ses plaintes. En voilà une qui a la foi, frères et sœurs. Et elle a bien raison, puisqu'au bout de quelques semaines, notre juge insupportable, voyant qu'il ne pourra pas compter sur le découragement de la femme, va finir par céder et lui donner en un instant tout ce qu'elle demande. Eh bien, nous dit Jésus, si Dieu était ce juge dépourvu de justice, vous voyez qu'il finirait par rendre justice à cette pauvre veuve. Votre tentation de désespérer ne tient donc pas. Or, nous dit Jésus, Dieu est 1 million de fois meilleur que ce juge, et c'est peu de le dire. Dieu est infiniment bon, alors, de grâce, ayez confiance, n'abandonnez pas. Il vous entend et il fera justice à ses élus. Jésus veut nous faire réfléchir ce soir et prendre conscience une fois de plus que la foi ne consiste pas à nous demander si Dieu peut nous exaucer, oui ou non, mais plutôt à croire fermement qu'il est toujours là, qu'il peut tout, qu'il nous aime, malgré tout. Et que s'il ne répond pas immédiatement, c'est parce qu'il a des raisons que nous ignorons et qui nous dépassent. Parce que les raisons de Dieu, c'est toujours l'amour infini. Ça nous dépasse. Alors, pour illustrer mon propos, j'avais plein d'exemples en tête, mais je voulais vous en donner quand même au moins un. Parce que j'aurais des tant d'images, tant d'histoires, tant d'anecdotes. Je voudrais vous en donner un parce que c'est une anecdote assez récente et que les personnes à qui c'est arrivé m'ont dit « Père, il faut que vous en parliez de ça. » Je voudrais vous parler d'un couple d'amis qui ont eu à traverser pendant plusieurs années une crise très profonde. Alors je ne vous fais pas de dessin, simplement je vous dis qu'il y a une créature qui est passée entre deux. Un traumatisme aussi qui s'est réveillé à travers cette épreuve. Et une incapacité à retrouver le dialogue. Malgré tous les efforts, toutes les tentatives désespérées d'un côté comme de l'autre, la blessure était trop grande. Elle réveillait trop de choses. La confiance dans le couple, c'est-à-dire la foi, l'un dans l'autre, était donc brisée. Mais l'un comme l'autre, au milieu de la tentation, ont décidé et renouvelé plusieurs fois leur décision, envers et contre tout, et parce qu'ils s'étaient mariés devant Dieu, de tenir bon, de ne pas abandonner le combat, et de s'abandonner à Dieu. S'abandonner à Dieu avec persévérance. Eh bien, je vous en parle aujourd'hui parce qu'ils m'ont dit, qu'ils souhaitaient maintenant que d'autres sachent, que malgré la cause désespérée de leur mariage, leur persévérance et leur abandon ont fini par payer au bout de plusieurs années. Sans qu'ils aient pu expliquer pourquoi ni comment, à la faveur de vacances d'été qu'ils n'avaient pas prises ensemble depuis des années, ils ont constaté que leur amour, loin de s'être éteint, s'était en réalité extraordinairement renforcé au cœur de cette longue épreuve où ils s'en sentaient seuls, abandonnés l'un de l'autre. Et la tempête interminable a fini par s'estomper. Les guérisons ont pu se faire et la communion se réparer pour s'approfondir extraordinairement. Sans cette épreuve, ils ne savent pas où ils seraient aujourd'hui. Mais ce qu'ils savent, c'est qu'aujourd'hui, leur amour est plus fort que jamais. Et je les entends encore me dire, mon père, il faut le dire. La fidélité, ça paye. La persévérance, ça paye. Et ça paye au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Alors, frères et sœurs, ce soir, j'ai envie de vous le dire, haut les cœurs. Haut les cœurs, gardons la foi. Soyons fidèles dans la foi. Et même si nous nous égarons parfois, revenons toujours à la prière. Car Dieu nous aime. Et si parfois il semble s'absenter de nos vies, c'est en réalité qu'il travaille au sous-sol, dans les fondations de nos âmes, dans des pièces que nous ignorons. Pour les guérir, les sauver. Mais pour ce faire, il a besoin de notre foi. Alors à la question qu'il nous pose aujourd'hui, répondons-lui ensemble. Seigneur, oui. Si vous revenez aujourd'hui, oui, je veux que vous trouviez la foi dans mon âme. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.